Moi, j'apprendrai le français jusqu'au mois de décembre. Moi, jusqu'à ce que je n'aie plus d'accent. Moi, jusqu'à ce que mon prof me mette 20 sur 20. Moi, jusqu'à ce que je puisse parler couramment. Et moi, jusqu'à la fin de ma vie, je crois.